Chapitre 25. La revanche du veau. Jamais, dit Théophraste dans ses mémoires qui, dès cette époque, commencent à être empreints d'une immense mélancolie, jamais ma femme ni M. Le Camus ne m'avaient présenté figure pareille à la lecture d'un article de journal. S'il faut s'effrayer de tout ce que racontent les journaux, nous avons de la terreur sur la planche. Ces petits faits diversiers particulièrement se plaisent à nous retracer les événements avec une imagination surprenante pour le crime. Il leur faut leur sang quotidien. C'est même risible. Un coup de couteau de plus ou de moins ne leur coûte rien. Et à moi, ça me fait hausser les épaules. Oui, vraiment, les coups de couteau de messieurs les journalistes ne sauraient troubler la parfaite sérénité de mes digestions. Et, je le répète, je hausse les épaules. Ma femme, quand je fus arrivée à cet endroit de l'article où Cartouche a déposé le mitron dans le four, laissa échapper un gémissement, comme si ce mitron était mon frère, et, abandonnant sa chaise, recula peu à peu jusque derrière la desserte, dans le coin de gauche de la salle à manger quand on entre par le vestibule. Monsieur Le Camus avait une attitude au moins aussi ridicule, mais lui, il fit retraite vers le coin de droite, toujours quand on entre par le vestibule. Il me regardait avec insistance et, ma foi, on leur eût présenté à la fois quelques phénomènes comme un mangeur de lapins vivants qu'ils ne l'eussent point considéré d'autre sorte. C'en était déplaisant. Je ne leur cachais point que toute cette comédie était indigne de deux êtres de raison et les engageais à reprendre leur place à mes côtés. Mais ils n'en firent rien. Alors, j'entamai l'histoire de la revanche du veau. Je lus. Monsieur Woudry est boucher sur les boulevards extérieurs. Sa spécialité est la viande de veau. On vient lui acheter du veau à la ronde. Cette renommée s'explique par un fait si exceptionnel que nous n'avons voulu y croire que sur l'affirmation réitérée de monsieur le commissaire de police Mifroy, lequel a procédé à la première enquête. On sait que tous les bouchers de Paris reçoivent leur viande des abattoirs. Il leur est défendu de tuer chez eux. Or, monsieur Woudry tuait tous les jours un veau à domicile. « C'est exact, » interrompis-je. « C'est absolument exact. » Monsieur Woudry me l'a expliqué plusieurs fois, et la confiance qu'il me marqua en me mettant dans la confidence de son mystérieux abattoir m'étonna quelque peu. Pourquoi me révéla-t-il à moi un fait qui n'était connu que de sa femme, de son petit commis, enfant trouvé qu'il considérait comme de la famille, et de son beau-frère, qui toutes les nuits lui apportait le veau? Pourquoi? Ah, on ne sait pas. C'était peut-être plus fort que lui. Vous savez bien qu'on n'échappe pas à sa destinée. Moi, je lui disais, prenez garde, ça finira par se savoir chez les veaux. Je repris ma lecture. Ce veau lui était apporté en silence chaque nuit par un sien beau-frère, et comme la petite cour où se trouve son abattoir donne par derrière, sur des terrains vagues, nul ne vit jamais chez M. Woudry un veau vivant. D'où venait ce veau vivant? L'enquête nous l'apprendra bientôt, car monsieur le commissaire de police Mifroy est bien décidé à pénétrer tout le mystère de cette épouvantable histoire de veau qui se rattache, hélas, comme on le verra plus loin, à l'histoire vraiment miraculeuse des hauts méfaits du nouveau Cartouche. « Allons bon, » interrompis-je, « c'est encore Cartouche qui va trinquer dans cette affaire. Pauvre Cartouche !» Si monsieur Woudry tenait tant à tuer lui-même son veau, c'est qu'il avait sa manière, une manière qui donnait toute sa qualité à la viande de veau. « Oui, » interrompis-je, « il n'assomme pas, parce que quand on assomme, ça marque la tête. » Il coupe la gorge d'un veau d'un seul coup. Il la coupe, interrompis-je, avec le seigneur. Il énerve la viande. « Au fait, » interrompis-je, « il faut que je vous explique ce que c'est que le seigneur. » Et après avoir remué les couverts dans le tiroir de la desserte, je pris le couteau à découper et leur dis que le seigneur, ainsi nommé parce que c'était avec lui que l'on saignait, était au moins deux fois plus grand comme le couteau à découper. Je le fis passer sur le nez de M. Le Camus en lui imprimant un double mouvement pour leur faire comprendre que c'était là le mouvement à éviter. On ne doit point revenir dans la blessure. Même, je voulus mettre le couteau dans la main de M. Le Camus, mais celui-ci recula encore, tout à fait dans le coin de droite de la salle à manger quand on entre par le vestibule, et il s'enveloppa dans les rideaux de la fenêtre. Il faisait l'enfant. Hier, de grand matin, M. Woudry s'enferma dans son abattoir, comme tous les jours, avec son veau. Il s'était fait aider de son petit commis pour attacher le veau sur l'étau, sorte de brancard qui est de toute utilité pour ce genre d'opération. le veau attaché, le petit commis s'occupa à rincer des barriques dans la cour, devant la double porte de l'abattoir que le boucher tient toujours close. Ordinairement, M. Oudry met de 20 à 30 minutes pour tuer son veau, le vider, le blanchir. « Le blanchir, interrompis-je, c'est lui décoller le cuir du ventre, l'habiller pour l'étal. 35 minutes s'écoulèrent et la double porte de l'abattoir ne se rouvrait pas. Le petit commis, qui avait fini de rincer ses barriques, en marqua tout haut quelque étonnement. Souvent, M. Oudry lui criait de venir échauder la tête, gratter les poils et nettoyer les oreilles. Ce jour-là, le patron ne l'appelait pas. Sur ces entrefaites, Madame Oudry, la femme du boucher, se montra sur le seuil de la cour. « Qu'est-ce qu'il fait donc ? » dit-elle. « Il n'en finit pas aujourd'hui. »« C'est vrai, madame, il est bien longtemps. » Alors, elle appela. « Oudry ! Oudry !» Pas de réponse. Elle traversa la cour et entr'ouvrit la porte de l'abattoir. Le veau, aussitôt, s'en échappa et se prit à sauter avec grâce autour d'elle. « Ah, mon Dieu ! » interrompis-je. « Ah, mon Dieu ! Je redoute un grand malheur !» Elle regarda d'abord le veau avec émotion, car à cette heure, le veau devait être mort. Puis elle poussa d'un seul coup la double porte et appela encore son mari, qui ne lui répondit point. Elle se tourna vers le commis. « Oudry n'est point là, » dit-elle. « Tu es sûre qu'il n'est pas sorti ?»« Oh, madame, j'en suis tout à fait sûre. Il n'est pas sorti et personne n'est entré. Je n'ai pas quitté la cour, » répliqua le commis en sautant à la tête du veau qui continuait à cabrioler avec grâce. « Bien sûr, il est là. Il se cache pour vous faire peur. Il ferait mieux de cacher le veau. « Oudry ! Oudry, réponds-moi, Oudry ! Tu te caches pour me faire peur ?» Le petit commis, d'un tour de longe, avait attaché le veau. Tous ces détails étaient dans l'article. La mode à cette époque était déjà aux faits divers dramatisés, et celui-ci est dramatisé à souhait. Au fond, on eût pu le raconter en 5 lignes, mais c'est la nouvelle presse. Il fut aux côtés de Madame Oudry et poussa un cri. Puis il ajouta « Oh, celle-là, elle est raide. Quand nous sommes entrés, il n'y avait qu'un veau, un seul veau, madame, un veau que j'ai attaché sur l'étou et qui gambade maintenant dans la cour. Et il y a un autre veau au tinet. » « Le tinet, interrompis-je, est une barre de chaîne à laquelle on suspend le veau et que l'on hisse à l'aide du treuil. » « Oui, oui, il y a un autre veau au tinet. » « Je le vois bien, » fit Madame Oudry. « Un tout petit veau. »« Quel petit veau, mais tu es fou, commis. Il devait y avoir 2 veaux. »« Jamais, madame, jamais. »« Eh bien, tu vois pourtant bien le veau du tinet. » « Moi, interrompis-je, moi, je redoute. Oh, combien je redoute un grand malheur !» Le petit commis et Madame Oudry s'approchèrent du tinet, qui était dans l'ombre, et ne dirent rien, tant ils étaient étonnés de voir la sorte de viande blanche qui était suspendue à ce tinet. Ils n'avaient jamais vu une pareille viande blanche, et cette viande était tout à fait arrangée comme un veau. Ils se rendirent enfin compte que ce n'était pas de la viande de veau. « Moi, interrompis-je encore, moi, je redoute un grand malheur !»« Quel drôle de petit veau !» ne cessait de répéter le petit commis. « Ce n'est pas un petit veau !» fit Madame Oudry. « Non, non !» On lui a tout de même fleuri la peau du ventre avec la lancette. « Voyez, madame, les jolis dessins. Il y a des cœurs, des flèches, des fleurs. Ah, les belles fleurs ! Il faut avoir, interrompis-je, un certain tour de main pour fleurir le veau avec la lancette. On peut dessiner de très belles fleurs avec un crayon sur un morceau de papier et être tout à fait, oh, tout à fait incapable d'user de la lancette pour dessiner sur un morceau de ventre. « Mettez une lancette dans la main de M. Bougreau, et peut-être trouvera-t-il qu'il n'a jamais éprouvé tant de difficultés à dessiner des veaux. » Le petit commis souleva la fraissure, c'est-à-dire les poumons, auxquels pendait le cœur. « C'est une belle fraissure, » dit-il, « et elle n'est pas trèfle. »« Elle n'est pas trèfle, » interrompis-je, « c'est-à-dire qu'elle n'est pas malade. »« Non, non, c'était de beaux poumons. Ils étaient coches. »« Coche, » expliquai-je, « c'est le contraire de trèfle. Une viande est coche, » quand elle est bonne. » Le petit commis ajouta « Le cœur est bon ?»« Oui, il avait un bon cœur, » gémit Madame Oudry, qui fut tout à coup épouvantée de ce qu'elle venait de dire. « En effet, » interrompis-je, « pourquoi cette imprudente femme, dit-elle, il avait un bon cœur ? Il ne l'avait donc plus, son cœur ? Oh, les femmes sont tout à fait imprudentes » Là-dessus, le petit commis, qui s'était pris, sans savoir au juste pourquoi, à pleurer comme un veau, trempa ses mains dans le seau d'eau froide qui est placé à côté de la chaudière, et les ayant ainsi refroidis, les plongea dans la chaudière, cherchant la tête du veau, ou plutôt la tête de l'animal à la viande si blanche qui pendait au tinet. Et il me tira une tête, en effet. Mais quand elle vit cette tête, Madame Oudry s'évanouit, car elle avait reconnu la tête de son mari. « Je l'avais bien dit, » interrompis-je, « et mes pressentiments ne me trompent point. Je redoutais un grand malheur, et le voilà. Je répétais tous les jours à Monsieur Oudry de se méfier, qu'on ne tue pas tant de veaux sans que ça se sache chez les veaux. Mais il riait, il se moquait de moi. Félicitations, Monsieur Oudry, félicitations. Le calcul des probabilités est là, n'est-ce pas ? Rien n'y faisait, ni le regard du veau, ni le calcul des probabilités. Je lui disais, mon cher Monsieur Oudry, si un boucher peut tuer plus de 1000 veaux à Paris, quand c'est défendu, il se trouvera bien un veau pour tuer un boucher. Et le boucher n'aura rien à dire, car ce sera le droit du veau. Et voilà, le veau a découpé le boucher. Enfin, ça n'est la faute de personne. Mais continuons cette intéressante lecture. Si Madame Oudry avait reconnu tout de suite la tête de son mari, le petit commis, lui, dut l'examiner de plus près pour être sûr que c'était là la tête de son patron. C'était une tête bien coupée, bien raffinée, bien échaudée, bien épilée. La moustache et les cheveux avaient été rasés comme il faut, les oreilles bien nettoyées, et pour quelqu'un qui n'eût pas été prévenu, cette tête de boucher eût pu, au besoin, passer pour une tête de veau. À son tour, le petit commis s'évanouit et laissa rouler la tête de Monsieur Oudry. « Ce pauvre Monsieur Oudry, interrompis-je, était un brave homme. Mais il aimait trop à couper les têtes de veau avec le Seigneur. Tout cela devait mal finir. C'est bien triste. » Quelques minutes plus tard, le drame était découvert. On juge de l'émotion dans le quartier. « Il y a de quoi ? » interrompis-je. « Il y a de quoi ? Et maintenant, il faut juger le veau. Il aura du succès en cour d'assises. C'est un étrange, fantastique, impitoyable et courageux veau. » Le journaliste, dit Théophraste, n'était point de cet avis que le veau eût découpé le boucher, et il mettait encore en avant le nom de Cartouche. Ce pauvre Cartouche ! Je haussai une fois de plus les épaules. Puis, ayant levé les yeux de dessus mon journal, je cherchai en vain dans les deux coins de la salle à manger, où ils s'étaient réfugiés pour faire l'enfant, ma femme et Monsieur Le Camus. Ils avaient disparu. Je les appelai avec force, et ils ne me répondirent point. Je fouillai l'appartement et ne les trouvai point. Je voulus ouvrir la porte du palier, et elle ne s'ouvrit point. Ils m'avaient enfermé, ce qui ne me gêna point. Quand je suis enfermé, je sors par les cheminées, si elles sont assez larges, et si elles sont étroites, je disparais par les fenêtres. Mais la cheminée de mon salon est une cheminée monumentale, comme il ne s'en trouve point deux dans la rue Gérandeau, et je l'escaladai avec la même facilité que j'avais descendu la cheminée où commençait à chauffer la chaudière de Monsieur Oudry, le matin même, quand le veau découpa si proprement cet excellent malheureux homme. J'arrivai bientôt sur les toits, par un temps froid et pluvieux qui m'incita à une grande tristesse.